mixtape prosto. Je te l'envoie jean, la rime qui zème, qui s'évade. L'espace à l'instant de Panamé, son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriade. Plus grande qu'une oreille à la misère de mes semblables. Je te l'envoie jean, la rime qui zème, qui s'évade. L'espace à l'instant de Panamé, son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriade. Plus grande qu'une oreille à la misère de mes semblables. Mais crois pas que j'imagine, à mon échelle, changer les choros. C'est les bogle speed, comme la vie que je mène. Quelques quatre mesures et je t'emmène. Te dire que chante fimant, you let and low. Trop vive la larme à l'œil. La main sur l'arme ou le cœur sous la main. Ma musique, mon anti-stress, purement inspiré du monde réel. J'compose lyrics et mélodies, hymne pour jeunes rebelles. J'fais pas la pluie et le beau temps, grisaille d'ibitume au ciel. Ajoute Zimédi et Dwegan, l'orage et la pluie torrentielle. L'homme, dominé par le mal, d'une fureur bestiale. Pris dans la spirale, c'est auprès de l'éternel que l'on guerroie. Atmosphère de guerre à l'échelle mondiale. Sanka est toujours en marche vers Yo My Night et Why. J'te l'envoie à Juin, la rime qui s'aime, qui s'évade. L'espace à l'instant de Panamé, son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriades. Plus grande chez qu'une oreille à la misère de mes semblables. J'te l'envoie à Juin, la rime qui s'aime, qui s'évade. L'espace à l'instant de Panamé, son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriades. Plus grande chez qu'une oreille à la misère de mes semblables. Mais sans blague, quand tu nous dis courage, changer choses qu'elle manne. Les crois-tu capable encore de dissocier le bien du mal? Dans le ghetto, personne n'évolue, rien n'a changé. Allez, d'où il va de plus en plus vite pour enfin changer. Dans les crânes. Ouais, quant au diable, j'ai vu dans la rue, pas loin du bac à sable. Devine à côté de lui les mômes qui l'écoutent comme pour un imam. Amuse leur amour pour qu'ils usent la vie d'autrui par la carame. Au mien, je lègue un aperçu de Paname et son ambiance maussade. La grisaille au quotidien, c'est maussage. Sur les murs cras de la capitale, l'atmosphère invivable pour tous mes frères au goulag. C'est pour cette majorité silencieuse que je me dois taire du vacarme. J'te l'envoie à Juin, la rime qui s'aime, qui s'évade. L'espace à l'instant de Paname et son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriades. J'ai qu'une oreille à la misère de mes semblables. J'te l'envoie à Juin, la rime qui s'aime, qui s'évade. L'espace à l'instant de Paname et son ambiance maussade. Lyrics par mille, mélodies par myriades. Plus grande, j'ai qu'une oreille à la misère de mes semblables. Hey man, chciałeś tego więcej, to mam. To raka mafii, które potrafi leczyć się z ran. To nie dla mafii, tylko dla tych, których tu znam. Bo nie wiele fafa, rafik, włożył się dziś jak ham. Hey man, dosyć porachunków i fam. Niewiele ci to da, że będziesz czuł się jak pan. Kiedy twoje serce liczy złota, kolejny gram. Ty zostaw to za sobą, masz tu klucze do bram. Hey man, jak czujesz stres, znam taki stan. Jak jest, nie wiem, że czasem potrzebujemy zmian. Nie sam, ze mną jest tu dziad Ataman. I mam na to konkretny plan. Ja wiem, oni tu kradną ci czas. Ja wiem, i razem ze mną tu możesz dosięgnąć gwiazd. Warszawa, jedziesz, jedziesz, brak!